marquer les esprits. Voilà pour nos deux heures de dialogue. Passez une excellente journée. On se retrouve demain. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Et on s'informe avec Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour. L'absentéisme fédéral en légère augmentation selon les chiffres de 2015. Sur 100 jours ouvrables, un fonctionnaire a été absent quasi 6 jours pour cause de maladie. C'est un peu plus que les autres années. Un fonctionnaire fédéral est en moyenne deux fois plus souvent absent qu'un travailleur du privé. Mais ses absences sont plus courtes. Celles liées au stress augmentent aussi. Enfin, les fonctionnaires de la région bruxelloise et de la province de Flandre occidentale sont ceux qui s'absentent le moins, ceux du Hainaut, ceux qui s'absentent le plus. L'avocat de Bernard Westphal s'indigne une nouvelle fois de la perte d'échantillons des prélèvements réalisés sur le corps de Véronique Piroton. Des cheveux n'ont jamais été analysés, s'insurge Jean-Philippe Mayence. Selon lui, des prélèvements effectués sous les ongles de la victime n'auraient pas non plus été analysés. L'audition de la juge d'instruction et des inspecteurs se poursuit ce matin devant la cour d'assises du Hainaut. La faillite est prononcée pour la chaîne de magasins de vêtements MS Mode. Deux curateurs sont désignés. Un repreneur néerlandais pourrait être intéressé, mais les syndicats redoutent un redémarrage avec moins de travailleurs et moins de magasins. Une quarantaine de militants très bruyants devant le bâtiment du Conseil de l'Union européenne à Bruxelles et à nouveau pour dénoncer les accords de libre-échange entre l'Europe, les États-Unis et le Canada. L'affaire de la tarte au riz qui peut finalement être conservée à température ambiante. L'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, a réalisé une étude pour savoir dans quelles conditions la fameuse tarte pouvait être conservée en dehors du frigo et sans risque sanitaire. Verdict, 12 heures à température ambiante. Le ministre fédéral des Indépendants et de l'Agriculture, Willy Borsu, est venu en personne à annoncer la bonne nouvelle à Verviers, là où la tartorie est une spécialité. La météo, ce matin, les nuages sont présents sur les trois quarts du pays, entre 16 et 21 degrés. Demain, ce sera encore avec de belles éclaircies. Caroline Gillet, un accident à Aiguezé. À Aiguezé, exactement, sur le 411 Namur-Bruxelles, kilomètre 44 précisément. Voie de droite indisponible en direction de la capitale. Des ralentissements pour rejoindre la France sur le 17 Gand-Lille avec des files depuis Requem. Soit sur 5 km, vous perdez 25 minutes vers la France. Sur le ring de Bruxelles, vous perdez encore une petite dizaine de minutes en circulation extérieure entre Zaventem et Grand-Bigard. Ailleurs, c'est redevenu plus fluide. Et puis dans le centre-ville de Bruxelles, vous patientez dans le tunnel Reyer ce centre vers le centre. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et on retrouve toute l'équipe dans N'est pas des pigeons. Merci Delphine, retour de l'info à midi. Cuisine Créfère. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfère. Cuisine Créfère, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolveau. Bonjour les amis. Bonjour. Ça va bien? Oui, en forme bien. Pour deux heures de folie, de bonheur intense et d'information. Avec vous, bien sûr. Alors là, je crois que je vais rester si vous le dites comme ça. Dites, on parle d'étiquette souvent dans cette émission. Hein. Ah, c'est notre dada. C'est notre dada, mais parfois Isabelle, elle comporte des choses étranges. Mais oui, par exemple, quand à côté de la date d'emballage, il est écrit 37,05. Eh ben, c'est que c'est périmé. 37, mais ça n'existe pas. Et pourquoi ça n'existerait pas? C'est écrit sur l'étiquette, madame. On comprendra pourquoi ces chiffres bizarres tout à l'heure. Cathy vit à La Queue et cette année, elle n'a pas reçu de lettre lui signalant que sa carte de riverain était périmée. Du coup, elle est un petit peu fâchée, Cathy. On se penchera sur son dossier avec Annie. Dans le journal de la Conso Aurore, on parlera d'imprimante HP. Oui, les imprimantes qui ne veulent pas, c'est ça. Non, c'est la marque. Ah, d'accord. La marque qui ne veut pas d'autres cartouches, genre cartouches produits blancs, etc. Certains modèles vont bloquer vos cartouches si elles ne portent pas la marque HP. Et puis Tom, notre jeune geek, nous parlera d'une application destinée aux étudiants pour leur permettre de prendre des notes. Voilà qui pourrait être intéressant. Et puis d'ici 13h, Anne-Laure viendra nous parler de la cuisine du futur. L'occasion de vous poser une question aussi sur la page Facebook. Oui, on vous demande si vous croyez en cette cuisine du futur. Pour vous, elle va ressembler à quoi? Est-ce qu'on va avoir dans nos assiettes uniquement des choses faites à base de, enfin, sur base d'une imprimante 3D? Est-ce qu'on aura uniquement des légumes OGM? Bref,

Votre courrier est arrivé. Oh, de nos jours, le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Allez, hier, on vous a présenté un reportage sur une association qui sauve des poules d'élevage. Ça vous a fait réagir, ça aussi? Oui, avec beaucoup de messages d'indignation après avoir vu l'état de ces pauvres petites poules, mais aussi des réactions sur l'alimentation de manière générale, comme la réaction d'Ingrid. En définitive, qui peut me dire comment on peut encore manger dignement? Entre la viande provenant d'animaux maltraités et les céréales et légumes venant d'exploitations utilisant les produits Monsanto, je finis par développer une vraie culpabilité quand je mange. Alice nous écrit: déjà, n'achetez plus les produits qui contiennent des œufs de poule élevés en batterie ou au sol. Ensuite, contactez les sociétés pour leur demander d'utiliser des œufs plein air ou bio. Je regarde les étiquettes et je remets beaucoup de produits en rayon. Si on continue à les consommer, ça ne changera pas. Et c'était aussi l'occasion pour beaucoup de nous présenter leur poule, comme Jean-Luc qui nous a mis la photo d'Arlette la poulette. Oh, c'est mignon. Il y en a plusieurs, hein, des photos de poules, des jolies poulette. Petites poules. Oui. Réaction aussi au sujet du contrat de confiance et le slogan des magasins Vandenborg qui assure de rembourser la différence si on trouve moins cher ailleurs. Oui, et on a reçu des messages un peu dans tous les sens qui montrent que ça dépend souvent du magasin où on va et pas forcément de la chaîne en général. Germain nous écrit: j'ai acheté une tablette chez Vandenborg à Boncel. La semaine suivant l'achat, je constate sur une réclame du Cora de Recours qu'elle était vendue 10 euros moins cher. J'ai contacté le service après-vente de Vandenborg et 10 jours plus tard, je recevais un bon d'achat de 10 euros. Pareil pour Céline, je n'achète plus que chez eux, le service après-vente est excellent. Par contre, Sarah pense que Vandenborg nous manipule, ils ne connaissent pas leurs produits. Après avoir acheté un ordinateur correspondant soi-disant à nos besoins, il s'avère que l'on ne sait même pas faire de traitement de texte. Retour en magasin le lendemain, mais ils refusent de nous le reprendre, même si on en achète un autre dans le magasin. Même message au service consommateur, leur réponse: on n'avait qu'à se renseigner, alors qu'on vient justement en magasin pour bénéficier de leurs conseils. Annie, vous rebondissez. Oui, je rebondis sur le contrat de confiance. Donc, prix plus bas, on est remboursé de la différence. Il faut savoir qu'il y a des conditions très strictes, que ces conditions apparaissent sur le site et qu'il faut évidemment les lire parce que le magasin doit se trouver à 30 km, si j'ai bonne mémoire, du magasin Vandenborg où vous avez acheté. Un rayon 20 ou 30 km. Vous devez vous manifester dans un délai de 30 jours, c'est aussi, j'ai bonne mémoire. Donc, il y a vraiment des conditions générales et le reportage qui a généré tous ces mails, ça se passait en fait avant l'achat, parce qu'il y a justement un petit point du contrat de confiance qui dit que vous pouvez aussi, si vous voyez quelque chose moins cher ailleurs, avant l'achat, vous pouvez aussi vous manifester auprès du magasin. Et donc, nous, on trouvait qu'il fallait peut-être que Vandenborg soit plus clair, notamment avant l'achat, parce que ça prête peut-être à confusion. Mais comme Vandenborg nous écoute, ben ils vont modifier ça tout de suite, j'en suis sûr. Autre réaction d'auditeur, c'est sur le répondeur cette fois. Bonjour, je m'appelle Roger Maréchal de Malmedy. Il y a un énorme paradoxe. Alors que tout est sur le net, on n'a plus besoin de timbres, on n'a plus besoin de bic. Les timbres sont de plus en plus chers, alors que plus personne presque n'en utilise, sauf moi. Et les bics, paradoxalement, durent de moins en moins longtemps. Avant, même si j'écris beaucoup, qu'avec un bic, je durais 15 jours, 3 semaines. Maintenant, avec un bic, ça dure maximum une semaine. Est-ce comme les machines à laver, elles sont prévues pour durer X temps, pour favoriser la vente? Merci bien, au revoir. Roger de Malmedy, qui écrit peut-être plus qu'avant. Si ça se trouve, non, il écrit peut-être, plus vite. Peut-être, oui, il faudrait qu'il fasse une étude. Oui, il doit une faire étude de lui-même. Une étude de lui-même. Bref, tout ça pour dire qu'on prend tout au niveau des réactions et sur tous les supports possibles et imaginables. Oui, par exemple, le répondeur, comme Roger le fait régulièrement, 070 222 660. Vous pouvez aussi envoyer vos messages par mail, l'adresse est pigeonpluriel@rtbf.be. Notre page Facebook est là aussi, on n'est pas des pigeons. Et puis il y a le SMS 3063, ça coûte 50 centimes le message. Petite plongée dans les années 80 avec la bande originale de Top Gun dans un instant, et puis nous téléphonerons à Cathy qui habite la Queune en région bruxelloise. Elle n'a pas été prévenue qu'il fallait renouveler sa carte de riverain. Bah, elle a eu des petits ennuis. On vous explique tout ça dans quelques minutes. Dis, tu cherches toujours un logement durable dans le coin? Ouais, et abordable surtout. Mais tu connais les quartiers Matexi? Non. Eh bien, surfe un peu sur matexi.be, tiens. Ah, oui. Voilà, tape le code postal. Voilà. Et tu as tous leurs quartiers à proximité. Ah ouais, c'est pas mal. Ben oui, Matexi, c'est chaque fois des maisons et appartements durables dans des quartiers agréables de Wallonie et de Bruxelles qui t'offrent plus pour ton budget. Wow. Et ils ont 70 ans d'expérience et ça se sent tout de suite. Mais pourquoi tu me montres tout ça? Ben, ça me ferait plaisir de t'avoir comme voisin. Matexi, bienvenue chez vous.

Enfin, en même temps, c'est une histoire d'amour. Mais c'est bête. Ouais, mais moi je regarde ce film juste pour les scènes d'avion. Bah ouais. Bah, oui, voilà, c'est ce que tout le monde fait. Hein. Ouais, mais quand il repasse à la télé, tu le regardes, non? Oui. Et il est repassé il y a pas longtemps. Et ben je l'ai regardé. Je crois que vous n'êtes pas le seul. Comme tout le monde. C'est le moteur de service ou elle est à vous? C'est ma mienne. C'est quoi cette caisse pourrie? Cette caisse pourrie, comme vous dites. C'est une voiture de collection de prestige. Il y en a plus de 3 qui roulent dans le monde. Et moi, j'ai la numéro 4. Que ce soit une voiture de collection de prestige ou pas, si vous la garez dans la rue, à certains endroits, il faut une carte de riverain. On accueille Cathy à 11h20 sur l'antenne de Vivacité. Bonjour Cathy. Bonjour. Vous habitez Laeken, vous avez une carte de riverain. D'habitude, oui. Vous recevez un courrier de la commune hein, pour vous rappeler qu'il faut renouveler la carte. Oui. Mais cette année, vous n'avez rien reçu, sauf une petite amende. Sauf une amende. De 40 euros pour avoir stationné votre voiture sans mettre de disque. Et c'est pas bien ça, il faut mettre le disque. Et pourquoi vous n'avez pas eu le renouvellement? Vous vous êtes un peu renseigné du côté de la commune? En fait, du côté de la commune, ils nous renvoient vers le service horodateur. Et le service horodateur m'a dit, on n'envoie plus de courrier. La commune n'est plus obligée d'envoyer de courrier car on a des problèmes avec Bipost. Ah, ça c'est déjà une explication un petit peu particulière. Mais aujourd'hui, vous êtes très fâchée. Oui, je suis fâchée parce que je trouve pas ça juste. Je ne suis pas la seule. Je suis allée chez mon médecin hier, il a eu la même chose. Il s'est pris une amende, il n'a pas eu la carte, le courrier. Et je suis sûre que je suis vraiment pas du tout la seule, quoi. Et je trouve ça vraiment, c'est se faire de l'argent sur notre dos, en fait. Hein. C'est vrai que c'est un au peu... moins nous prévenir. C'est un petit peu cavalier, pourrait-on dire, Annie, de ne pas envoyer de courrier pour rappeler qu'il faut renouveler. Du côté de la commune, on ne vous dira pas que c'est cavalier. En tout cas, on l'a invité à s'exprimer à l'émission et on a reçu un mail en disant qu'il n'y aurait pas d'intervenant du cabinet en direct pendant l'émission, donc on en prend acte. Alors, on m'a quand même envoyé un mail en me disant que le rappel, si vous voulez, c'est un service complémentaire qui est envoyé par l'administration à chaque citoyen dont le dossier est complet, ce qui est le cas de Cathy. Alors les rappels, on les envoie de façon postale et le problème c'est que un courrier, vous voyez, de façon ordinaire ça peut se perdre et donc me dit la commune dans son mail, on n'a aucune preuve de suivi dans la mesure où le courrier n'est pas recommandé et à l'avenir, c'est très bien, prenez note hein, Cathy, la ville envisage dans un avenir proche de résoudre ce problème avec l'envoi ultérieur de rappels par SMS mail avec accusé de réception. Non, tu déconnes, l'administration qui se met aux technologies. Écoutez, impressionnant, c'est impressionnant. Et on n'est pas aux États-Unis, hein, on est à Bruxelles. Hein, ça se passe à Laeken. Voilà. Et votre carte de riverain, vous la payez combien, Cathy? 10 euros par an. 10 euros. Alors, les questions que moi j'avais posées à la commune, c'est pourquoi vous n'avez pas envoyé de rappel alors que vous l'avez fait tout le temps? L'autre question qui peut se poser, c'est est-ce qu'une commune a l'obligation ou pas, on n'en sait rien, d'envoyer un rappel pour ce style de carte de riverain? Et puis ici, vous avez contesté ces fameux 40 euros et on vous dit... Oh ben vous avez dépassé un délai soit d'un mois, soit de 15 jours. Bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors moi, j'ai demandé, mais vous parlez de 15 jours, d'un mois, ça se trouve où? Moi, j'avais répondu. Voilà. Et donc, c'est des questions un petit peu en matière administrative qui posent des questions. Et c'est vrai que on a l'impression qu'on se fait piéger par la commune. Voilà, ça c'est un petit peu, c'est un petit peu embêtant. Ça, c'est le ressenti, Bon, qu'est-ce qu'elle peut faire finalement, Cathy, dans cette histoire? Alors, écoutez, j'ai contacté aussi, parce qu'on n'est pas toujours des spécialistes en tout, donc j'ai contacté un avocat spécialisé en matière administrative, qui m'a envoyé quelques arguments. Alors, on me dit que, je vais vous lire son mail, la ville ne reconnaît pas ne pas avoir envoyé de rappel, mais elle dit simplement dans le mail... On ne l'a pas envoyé par recommandé, donc je ne peux pas envoyer la preuve. Je ne peux pas apporter la preuve que le courrier est arrivé ou pas. Alors, le règlement redevance donc de la ville Laeken, donc de Bruxelles, ne prévoit pas l'envoi d'un tel rappel. Ça, c'est une bonne chose, ce n'est pas prévu. Donc, si on le fait, on se dit, comme dit la ville est dans le mail, elle me dit, c'est un service complémentaire. Okay. Voilà, on en prend acte. De nombreuses communes n'organisent aucun rappel. Alors, au niveau du délai de tolérance, puisque si j'ai bien compris, Cathy, c'est qu'on vous dit, si vous vous étiez manifesté beaucoup plus tôt, on aurait peut-être pu annuler ces fameuses 40 euros. Alors, si la ville respecte un délai de tolérance pour le renouvellement de la carte, mais ça n'apparaît pas et ça ne résulte pas du règlement, voilà, donc ça c'est une manière de pratiquer de la commune. Alors, quand vous posez la question, Sébastien, mais qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant ? Elle a contesté, on lui dit non, il faut payer. Ah, moi j'ai peut-être une solution. Si vous payez, vous envoyez l'argent par la poste et vous dites à la commune... Ah ben, je suis désolé, je ne l'ai pas envoyé par la poste. Je fais comme vous, je l'envoie par la poste. Voilà, vous faites comme eux. Par contre, vous pourriez peut-être reprendre contact avec la commune, envoyer un mail très circonstancié, ça veut dire avec toutes les explications au bourgmestre ou à l'échevin qui est chargé, c'est plutôt l'échevine qui est chargée de ce problème de plan de stationnement, en disant que vous pourriez peut-être faire un geste entre guillemets, c'est de renoncer à la somme puisque vous n'aviez peut-être pas l'obligation d'envoyer le rappel, mais vous l'avez toujours fait, donc nous on ne peut pas comprendre que vous ne le fassiez plus, il fallait au moins nous prévenir que vous n'alliez pas le faire, et essayez, vous verrez bien, qui vivra verra, comme on dit, vous nous tenez au courant. Ben voilà, c'est peut-être le... truc le plus simple. Et vous qui est l'échevine qui s'occupe de... Je vais vous donner toutes les informations. Je vous enverrai un mail avec toutes les informations. Sinon, vous allez sur le site de la ville de Bruxelles. Oui, à mon avis, tout. C'est possible de trouver le nom de l'échevine. Voilà. Et tant qu'à faire, si l'échevine nous entend, plutôt que de traiter tous les citoyens comme Cathy, et elle n'est pas la seule dans le cas, comme des adversaires, il faudrait peut-être mieux en prendre soin. N'oubliez pas, madame, mesdames, messieurs, que les élections communales, c'est dans quelques mois. Voilà, voilà. Tout simplement. Et en même temps, c'est comique parce que le service des eurodateurs qui passent en voyant la plaque, ils savent que la personne habite dans la rue. Donc, un petit papier genre, attention les gars, cette année, il faut aller la chercher vous-même. Ça vous pourrait... rêver. Hein. Mais oui, mais il est bon de rêver de temps en temps avec, avec l'administration. Il est bon de temps en temps de rêver. Voilà donc pour les conseils qu'on peut donner à Cathy aujourd'hui. Si vous aussi, vous avez des petits trucs qui vous embêtent au quotidien, n'hésitez pas à nous envoyer une petite bafouille, à la résumer correctement et mettez votre adresse et votre numéro de téléphone, c'est mieux. Oui, par mail pigeonpluriel@rtbf.be et vous pouvez aussi laisser tout ça sur le répondeur 070 222 660. Côté nouveauté, il y aura Laura Crow dans un instant et puis dans le journal de la conso. On vous parle de quoi ? Qu'est-ce qu'on peut retenir quoi, par exemple ? Un titre au hasard de la presse qui vous a marqué ? Oh ben le scandale VOE, vous savez, les moteurs truqués, logiciels truqués. Okay. Et ben 7% seulement des voitures concernées ont été traitées en Belgique. 7%. C'est pas beaucoup, mais c'est vous comprendrez pourquoi. C'est un scandale. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. La 2 en télé. Joël Scorine s'entoure d'une nouvelle équipe de chroniqueurs pour recevoir la star de la rentrée, Virginie Efira. Cette jeune maman semble réussir tout ce qu'elle entreprend. Soyez au rendez-vous pour découvrir cette bonne vivante sans chichi. Ce jeudi soir, Virginie Efira est en direct sur les deux. Ce week-end, Vivacité vous invite à la première de l'événement musical de la rentrée parisienne, Les Trois Mousquetaires, le spectacle musical. Avec Olivier Dion, Damien Sargue et David Bann. Les Trois Mousquetaires, retrouvez-les déjà ce soir dès 19h sur Vivacité. Et samedi dès 10h30 dans le Tip Top, Vivacité vous offre vos places pour assister à la première du spectacle le 29 septembre au Palais des Congrès à Paris. Bientôt à Anderlecht, préparez-vous à acheter moins cher toute l'année. Mais comment font-ils ? Découvrez-le sur electrodepot.be. Electrodepot. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, dis, qu'est-ce que tu fais avec ma voix ? Je la rends plus spectaculaire, comme l'offre ! Non, arrête ça. Ok, je coupe. Découvrez de... Non, tu l'as pas coupé. Ah non ? Arrête ça immédiatement. J'ai peur. Vous voyez, ça marche ? Non, ça marche pas. Mais si. Non ! Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Ah oui, déchaînez-vous. This morning, got your flowers. I said I can't wait to see you again. And I want you to stay by my side. Whether it shines or rains, I'm counting the days, the hours, until we meet again. This time I'll try to. Show me how you walk, I've nothing to lose. But please don't forget my name. Une jeune artiste bruxelloise qui s'appelle Lara Crow et le titre c'est Ecstasy. On part sur les routes. Caroline Gillet, comment ça se passe de votre côté? Ah bien, c'est devenu beaucoup plus calme puisque la chaussée est dégagée entre autres sur le 411 Namur-Bruxelles à hauteur des Gueuzés. Plus de soucis en direction de la capitale. Vous perdez toujours une quinzaine de minutes pour rejoindre la France via le 17 qui vient de Gand avec des files depuis Rekem, soit sur 5 km environ. Et puis sur le ring de Bruxelles, là aussi ça va beaucoup mieux. Vous perdez moins d'une dizaine de minutes en circulation extérieure entre Strombeek-Bever et Wemmel vers Grand Bigard. En intérieur, c'est même redevenu fluide. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. h 32, place au journal de la Conso. Un an après le scandale VW, seuls 7% des voitures concernées en Belgique ont été réparées, c'est à lire dans la Libre Belgique aujourd'hui. Oui, c'était le 18 septembre 2015 exactement. On apprenait qu'un logiciel truqué équipait les voitures diesel du groupe VW pour faire croire en gros qu'elles émettent moins d'oxyde d'azote que ce qui se passe en vrai. Alors chez nous, ça concernait 315 500 véhicules et à ce jour, seules 22 000 voitures ont subi la mise à jour du logiciel. Alors c'est peu, mais de toute façon, seules 66 000 voitures sont susceptibles d'être mises aux normes actuellement. Alors pourquoi ce chiffre de 66 000? Eh bien les autres voitures attendent encore un certificat qui doit être envoyé par l'Office fédéral allemand pour la circulation des véhicules à moteur. Mmh. Et tant que ce papier n'a pas été envoyé, ben les voitures ne sont pas considérées comme devant rentrer chez le garagiste. Et sur ces 66 000 voitures, dont les propriétaires ont donc été invités à se rendre au garage, eh bien certaines ne passeront sur le pont que pour l'occasion d'un entretien, par exemple. Donc pas tout de suite, il n'y a pas d'urgence à aller faire réparer le logiciel. Et donc c'est pour ça que les chiffres sont si bas. D'accord. Attention, si vous possédez une imprimante HP, vous pourriez rencontrer des soucis avec des cartouches qui ne sont pas fabriquées par la marque. Oui, ça concerne notamment les modèles Office Jet Pro et Office Jet Pro X. Les nouveaux modèles mis en vente vont détecter et bloquer les cartouches d'autres marques que HP. Et ne faites pas de mise à jour non plus, parce que ça aura le même effet. Il faut savoir qu'une cartouche HP de 50 ml coûte 30 euros, quand d'autres cartouches compatibles en coûtent 15. Oui. Vous aurez vite compris qu'HP a intérêt à bloquer les autres cartouches, mais les vendeurs des autres marques ont déjà réagi. Ils adaptent les puces de leurs cartouches, mais il faut quand même attendre qu'elles se retrouvent de nouveau dans le circuit, et d'ici là, peut-être que HP aura encore modifié ses logiciels, bref. C'est dingue, hein. Mais ça devrait être interdit, moi. Mais moi, je pensais que c'était interdit, ça. C'est comme Senseo à l'époque qui faisait les capsules. Ouais. Maintenant, c'est un petit peu plus libre, quoi. Mais en tout cas, pour le café, mais pour HP, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. On poursuit avec un titre qui a attiré votre attention, Aurore, c'est la consommation des médicaments contre les troubles érectiles qui a doublé en 5 ans. C'est ce qu'on peut lire dans les journaux du groupe Sud Presse. Oui, c'est la photo générique. Depuis 3 ans, la molécule Viagra peut être commercialisée en produit générique. Ça fait 2 euros le comprimé au lieu de 10 euros pour la vraie marque. C'est ce qui explique cette explosion, selon un professeur des cliniques Saint-Luc interrogé dans la presse. Mais selon lui, ces chiffres vont encore exploser d'ici un an, puisque la patente du Cialis va sauter. Et qu'est-ce que c'est, ça, Cialis? Je sais pas. C'est l'équivalent du Viagra, sauf que quand vous tenez 4 heures avec le Viagra, c'est 36. Avec elle est contente. Elle est ravie. Il y a que vous que ça amuse, parce que 36 heures, ça doit juste être infernal. Mais non, ça veut dire que ça fait pendant 36 heures. Vous n'avez pas non plus une érection pendant 36 heures. Mais hein. Qu'est-ce que

sera remplacé. Quelques mots d'amour, je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor, je t'envoie mes sourires les jours où je me sens plus fort. De mon village sans à l'heure, où les docteurs greffent les cœurs, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. C'était Michel Berger en 1980. On n'est pas des pigeons. Alors il y a un truc bizarre qui se passe. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un petit mail accompagné d'une photo. Mais je ne sais pas pourquoi le nom de cet auditeur m'a dit vaguement quelque chose. Il s'appelle Christophe Bourdon, Isabelle. Ah oui, et donc même s'il est parti vers d'autres cieux, notre Christophe, il pense toujours à nous. Et il nous a envoyé une photo. Non pas de lui en vacances, mais la photo d'une barquette de tomates emballée. Jusque-là, rien de bien extraordinaire. Sauf que quand on lit la date d'emballage qui figure sur ces tomates, il est écrit 37-05. Oui. Et on se dit, un mois à 37 jours, non. Même le mois de mai, je ne savais pas que ça existait. C'est vrai que c'est étrange, je suppose que c'est une erreur. Eh bien, Christophe, qui n'a perdu aucun de ses réflexes de l'époque où il était chez nous, il a été demandé à un vendeur ce que signifiait cette date, et ce vendeur, très gentiment, est allé se renseigner, et voici l'explication. 37-05, ça veut dire, tenez-vous bien, que ces tomates ont été emballées le cinquième jour de la 37e semaine de l'année. Mais évidemment, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, finalement? Ah oui, c'est ce qu'on dit, évidemment, parce que ici, dites-moi, c'est quand la 37e semaine de l'année? C'est bientôt, c'est au mois de septembre. C'était le 12 septembre. Bravo Annie, je ne sais pas comment elle a fait pour calendrier dans la tête. Et donc, le cinquième jour de cette semaine-là, c'était donc le 16 septembre. Moi, j'avoue que j'ai dû aller chercher dans mon agenda parce qu'il est écrit 37e semaine et tout ça pour arriver à déchiffrer ça. Christophe nous dit avoir trouvé ses tomates chez Carrefour, mais la chaîne, ils disent quoi par rapport à ça? Alors, j'ai téléphoné évidemment au porte-parole. Alors, il m'a expliqué qu'en fait, la date d'emballage, eh bien, on peut effectivement la mettre de deux façons. Donc, la classique, on aurait pu mettre 16-09, mais on peut mettre aussi, c'est tout à fait légal, 37-05. Et ça, ça dépend en fait du fournisseur. Mais il admet, il dit, c'est vrai que c'est pas très clair comme date, ça prête à confusion parce que supposez, on est non pas dans la 37e semaine, mais on est dans la 29e semaine. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il est écrit alors sur les tomates? 27-05. Donc on pourrait croire que ces tomates ont été emballées le 29 le mai. Oui. Mais non! Alors, ça voudrait dire qu'elles ont été emballées 29-05, c'était en juillet, c'était le 18 juillet. Donc, on ne s'en sort plus. Donc, chez Carrefour, on a dit oui, on travaille. En fait, on aimerait que tous nos prestataires inscrivent la date avec le même code, le code le plus simple, celui que tout le monde connaît. Mais il faut avouer aussi, j'étais faire un petit tour chez Carrefour. Bon, il y a des tas de produits et c'est vraiment très, très rare un produit où la date d'emballage est inscrite de cette façon. Heureusement, parce que ce n'est pas toujours facile de comprendre les étiquettes. Hein. En plus, on n'a pas toujours le temps non plus de tout déchiffrer. Mais oui, ça prend du temps, ce n'est pas toujours clair. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler de cette expérience qui va être menée à partir de la semaine prochaine en France, où pendant 10 semaines, dans une quarantaine de magasins, je crois, on va tester 4 logos nutritionnels simplifiés. Mmh. Alors, par exemple, il y a celui qui a fait beaucoup parler de lui, c'est le visuel de couleur qui va de A, ce qui veut dire une bonne note et c'est en vert, jusqu'à E, une moins bonne note et c'est en rouge. C'est un logo pour tout vous dire que l'industrie agroalimentaire n'aime pas beaucoup. Mais par exemple, il y a un autre visuel qui sera proposé aux gens qui propose plutôt des fréquences. Et donc, ça veut dire qu'on a des couleurs qui vont du vert au violet, mais il faudra quasi toujours avoir son petit visuel devant soi pour comprendre. Alors, ça va du « à consommer très souvent » jusqu'à « à consommer occasionnellement. Donc c'est quand même plus facile pour le consommateur de comprendre un peu quelles sont les qualités des produits qu'ils achètent. Donc comme je vous le disais, cette expérience, elle va être menée 10 semaines dans 40 supermarchés dans 4 régions de France. Et puis il y aura un étiquetage qui va alors essayer un rapport qui va dire, tiens, quel est l'étiquetage qui a le mieux marché dans tout ça. Mais c'est pas mal, ça permet aux gens de savoir ce qu'ils achètent, si c'est vraiment équilibré ou pas en fait. Oui, mais alors, bon, n'ayons pas de trop grands espoirs par rapport à ce sur quoi ça va déboucher, hein, parce que l'étiquetage retenu, normalement, il sera juste facultatif, parce que la réglementation européenne ne permet pas de rendre ça obligatoire. Et je crois qu'il y aura quand même beaucoup de bagarres autour de cet étiquetage nutritionnel. Oui, c'est vrai que si je comprends l'industrie agroalimentaire, s'ils voient un petit cocard rouge sur leur truc, ça va pas leur plaire. En tout cas, si vous voyez des étiquettes un petit peu bizarres, continuez à être attentif en faisant vos courses. Photographiez l'étiquette, envoyez-le sur la page Facebook, par exemple. C'est un bon plan. Oui, la page On n'est pas des pigeons, ou alors par mail, pigeon@rtbf.be. Dans quelques minutes, Tom nous a rejoint, le geek de service, pour nous présenter une application qui va peut-être être utile à tous les étudiants. Ben oui, c'est la rentrée, il faut prendre des notes. Alors je vous ai trouvé plein de petites applications qui vont vous permettre de faire ça très efficacement. Donc on prend même plus de notes? Ah non, plus besoin. Oh ben non, ben c'est vrai. On a des tablettes. Oh ben oui, c'est magique quand même. Vous venez de percevoir votre assurance groupe et vous voulez faire fructifier cet argent. Investir? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider-d'investir. Vivacité présente, en partenariat avec les AP Assurances, l'échappée belge. Sur les petites routes de Provence et à travers les plus beaux coins du Luberon, d'Apt à Forcalquier, en passant par Manosque, Cavaillon, Roussillon et une arrivée le 27 septembre au Théâtre des Dons en Avignon. L'échappée belge, avec la complicité des voyages SNCF.com, à suivre tous les jours de la semaine à 14h et le samedi à 16h. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Vous souhaitez vivre à Waterloo dans un appartement neuf, alliant confort moderne et proximité des commerces? Venez découvrir les jardins de Wellington et ses appartements immédiatement disponibles situés au 650 chaussée de Bruxelles. Remise exceptionnelle lors de la journée portes ouvertes ce dimanche 25 septembre de 10 à 17h. Plus d'infos à l'agence immobilière Trier Waterloo. Cet instant de détente vous est offert par votre magasin Watio. Peinture, décoration et revêtement de sol, profitez d'un large choix et des meilleurs conseils. Watio, chaussée de Namur à Nivelles et sur watio.be. As the day will come to shore and wash me up at your front door. Never knew you'd take me back. Now it seems if all too clear. Funny how this works, my dear. Only dawn could bring me back. No. Guy sur Vivacité avec le titre Soul. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. S'il y a des étudiants qui écoutent, mais vraiment, soyez attentifs. Tom a un super truc pour vous aider à prendre note. Ben oui, cours. C'était hier la rentrée pour la plupart des étudiants du supérieur. Ouais. Et qui dit rentrée, dit commencer à reprendre des notes. Parce que si on veut réussir en fin d'année, il ne faut pas juste compter sur les synthèses des autres. Il faut aussi de temps en temps prendre note soi-même. Alors vous oubliez le crayon, vous oubliez le papier. Moi, j'ai des applications vont vous permettre... Mais moi, il y a 20 ans, j'avais déjà oublié. T'inquiète. Oui, mais vous n'aviez pas Evernote, Sébastien. C'est quoi, c'est une application qui permet de prendre note très facilement, très efficacement. J'avais Régine, moi. C'est mal. C'est la copine de classe. Et ça me coûtait un pont à la fin en photocopie à la fin de l'année. Mais l'avantage, Régine, c'est qu'elle notait absolument tout. Le prof éternuait, c'était marqué Hachoum sur la feuille. Et à partir de ça, tu fais ta synthèse. Peut-être qu'elle aurait pu utiliser Evernote à l'époque. Alors Evernote, c'est quoi? C'est une appli qu'on télécharge sur son téléphone, sur sa tablette, sur son ordinateur. Il y a aussi une version web où on peut aller directement sur son navigateur, où on ne doit pas télécharger vraiment une application. Bref, on peut l'utiliser sur n'importe quel appareil. Bon, le plus efficace, évidemment, c'est de prendre son ordinateur portable en cours et de prendre note directement sur Evernote. Mmh. Ça se présente comme un traitement de texte, comme Word, comme n'importe quel traitement de texte habituel. Quel est l'avantage par rapport à un traitement de texte classique? C'est que ces notes, on va pouvoir les partager. Alors, les partager avec soi-même, les partager avec les autres. C'est-à-dire que les notes, elles sont dans le cloud. Elles ne sont pas stockées sur le téléphone. On va commencer à perdre des gens. Parlez correctement pour qu'on comprenne. Elles sont en ligne quelque part dans l'Internet. C'est un espace virtuel auquel tout le monde a accès. Exactement. Et donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on va pouvoir accéder à ces notes depuis son téléphone, depuis sa tablette. On ne doit plus forcément les imprimer. Alors, il y a les adeptes du papier qui voudront toujours imprimer leurs notes pour étudier et pour mettre du fluo dessus. Oui, c'est plus sympa, mais on peut le faire directement depuis l'application. Tu mets du fluo sur ton écran de... Ça, c'est pas conseillé pour le tactile. Mais il y a une fonction qui permet effectivement de surligner les informations importantes depuis l'application. Donc concrètement, Evernote, c'est un traitement de texte en ligne qui permet d'accéder à ces notes depuis partout et qui permet de partager avec les autres ces notes aussi. Et ça coûte combien cette application? C'est gratuit. Ah bon? Alors c'est gratuit, moi je l'ai utilisé pendant 2 ans pour tout vous dire. Au bout de 2 ans, j'ai voulu utiliser des... Au bout de 2 ans, tu t'es dit, je vais quand même peut-être passer la deuxième. Commencer à les lire. Non. Au bout de 2 ans, j'ai voulu avoir plus d'espace de stockage et j'ai regardé et il y a une fonction premium qui coûte 69€ par mois, par an. Et ça, c'est quand même un peu cher. Ouais. Donc, c'est gratuit jusqu'à une certaine limite. Bon, il y a d'autres applications aussi. Évidemment, il y en a plein. Vous connaissez peut-être Google Drive. Oui. Google Drive, c'est aussi une... Mais oui, j'allais demander, c'est quoi la différence avec Google Drive? Mais c'est à peu on va peut-être expliquer d'abord Google Drive. C'est à peu près semblable. En fait, Evernote, c'est vraiment orienté étudiant pour la prise de notes en cours. Google Drive, c'est plutôt orienté boulot, entreprise, puisqu'on va pouvoir faire à la fois des Word, donc des traitements de texte classiques, des textes. Il y a aussi des tableurs qui permettent de faire des Excel. Il y a une option qui permet de faire des présentations PowerPoint aussi directement depuis l'application et de partager. Donc Google Drive, c'est plutôt orienté entreprise. Si vous avez une adresse Microsoft ou Outlook ou que vous êtes habitué à cet univers-là, Microsoft a aussi sorti son système OneNote qui permet de partager des notes. Bref, en fait, tous les mastodontes du marché de l'Internet se sont mis là-dedans et proposent maintenant, il y a toute une multitude de services et d'applications qui fonctionnent. Mon choix personnel, c'est Google Drive, parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace, c'est moins orienté étudiant, mais si c'est juste pour prendre notes, franchement, c'est plus sympa. Et il y a plus d'espace de stockage disponible que sur Evernote. D'accord, c'est ça la principale utilité de la prise de notes comme ça par ordinateur plutôt que le papier, c'est le fait que tout le monde... Et on peut rajouter des choses éventuellement. Oui, et puis on perd plus ses notes. Moi, mon problème, c'est que je notais avec un papier, mais je perdais les feuilles à la fin de l'année. Tandis que là, on compile tout au même endroit. Annie? Est-ce qu'on est encore obligé de noter avec vos applications? Il n'y a pas un truc qui permet d'écouter le professeur, de s'imprégner de ce qu'il dit, en même temps, ça s'affiche sur l'écran? Eh bien oui, figurez-vous qu'il y a la reconnaissance vocale sur la plupart des applications, Evernote compris, pas Google Drive, mais Evernote. Donc en fait, la reconnaissance vocale, ben, ça reconnaît le texte. Bon, par contre, il y a parfois des petites failles. C'est-à-dire que quand on relit, c'est parfois pas toujours exactement ce qu'on a entendu. Mais ça peut être drôle. Mais ça peut être drôle si vous voulez rester focalisé sur ce que le prof a dit. Ou pas aller au cours, hein. Tu mets juste un micro, vite, t'es tranquille. On apporte la tablette et puis on part. On n'arrête pas le progrès. On en reparle ce soir à la télé, Tom? Avec plaisir. Allez, on fait ça. Les photos, les cadres sont pourtant bien là. Vestiges de gloire, douloureuse joie. Vidé de l'histoire, il était une fois un île, une aile. Et l'aile s'envola. Je vais funambule sur un fil de verre. Toutes mes pendules tournent à l'envers.

À Bruxelles, il y a des dépassements pour le dioxyde d'azote depuis 2010, il y a 6 ans. On pense que le gouvernement bruxellois ne fait pas assez pour s'attaquer à ces pics. On demande au gouvernement d'adopter un vrai plan de qualité de l'air. La pollution de l'air est un problème majeur de santé publique. Il provoque plus de 400 000 morts prématurées en Europe chaque année. Et le problème, c'est que les gens ne peuvent pas choisir quel air ils respirent. Leur seule possibilité est d'aller en procès et forcer leur gouvernement à agir. L'avocat des plaignants, joint par Myriam Ball. Chez les plus de 65 ans, une personne sur 10 en souffre. Une sur 3 chez les plus de 90 ans. Alzheimer fait des ravages et c'est la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Quand le diagnostic tombe, c'est souvent une catastrophe pour les proches, pour le patient aussi, et il peut le vivre très difficilement. Valentine Charlot est neuropsychologue à Namur. Dans ses consultations, elle constate que cette étiquette est fort lourde à porter. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai eu ici en consultation un monsieur qui est médecin, qui a eu un diagnostic de maladie d'Alzheimer et qui m'expliquait la souffrance que c'était pour lui d'avoir reçu ce diagnostic, même s'il l'anticipait un peu parce qu'il connaît le domaine. Il me disait comme il se sentait diminué, comme il sentait qu'à la minute, selon lui, les regards avaient changé sur lui, même dans le couloir, même la secrétaire qui le regardait différemment. Et puis, quelques temps après, un autre neurologue lui a expliqué que c'était peut-être pas quand même vraiment l'Alzheimer, mais plutôt peut-être une sénilité. Monsieur est arrivé en consultation ici en disant « Mais comme je suis soulagée, c'est comme si j'étais guérie, on m'a enlevé une couche, je me sens mieux. » Alors qu'en fait, il est très au clair avec les difficultés qu'il vit dans la vie quotidienne. Mais le simple fait de lui avoir enlevé cette couche, avec tout ce que ça implique en termes de regard et de pratique, il se sentait libéré. Un témoignage recueilli par Laurence Laine et Valentine Charlot est active dans une association, le Bien Vieillir, qui est basée à Namur et son association soutient gratuitement les familles et les patients touchés par la maladie d'Alzheimer ou d'une pathologie apparentée. En France, Jean-Marc Morandini, placé en garde à vue, l'animateur radio et télé, a été placé en garde à vue par la Brigade de protection des mineurs dans une enquête pour corruption de mineurs. Cet été, le magazine Les Inrock avait publié une enquête sur des castings sulfureux que lui ou sa société de production aurait fait passer. Dans ou en dehors du frigo, bête question mais qui a provoqué l'affaire de la tartorie cet été. Le mot de la fin, enquête scientifique à l'appui. Une tartorie peut finalement rester 12 heures à température ambiante, sans risque pour la santé. Une circulaire sera prochainement envoyée aux inspecteurs de l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, pour clarifier les choses. Un comité touche pas à la tartorie, avait vu le jour. Et on reste un peu dans le même sujet, les vendanges en France laissent présager un millésime 2016 de grande qualité et même dans les régions où les aléas de la météo ont provoqué une forte baisse des volumes ce printemps avec le gel et la grêle. La récolte a démarré la semaine dernière dans la vallée du Rhône et les premiers coups de sécateur sont donnés aujourd'hui en Alsace, dans le Bordelais. On attendra encore un peu jusqu'en octobre. Caroline Gillet, des ralentissements justement pour aller en France. Exactement, sur le 17 Gand, l'île défile depuis Albeek, saute sur 4 km, vous perdez une quinzaine de minutes pour rejoindre le territoire français. Quelques ralentissements aussi dans le chantier de Cherat sur le 40 Aix-la-Chapelle, Bruxelles défile entre Barchon et Herstal en direction de Bruxelles. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et je vous laisse avec Sébastien Nolvaux, on n'est pas des pigeons. Merci Delphine, bel après-midi. Cuisine Créfère. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfère. Cuisine Créfère, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. On n'est pas des pigeons. Sur Vivacité. Au programme de cette deuxième heure, il sera question de cuisine avec Anne-Laure, mais cuisine du futur. Oui, qu'est-ce que vous allez manger dans 30 ans? Je ne sais même pas ce que je vais manger dans 30 minutes. Donc, voilà, donc dans 30 ans, peut-être, je ne sais pas, des gélules, des trucs bizarres qui sortiront de machines bizarres. Enfin, je vous explique tout ça. C'est la question Facebook, tiens, d'ailleurs. Oui, et alors on a choisi une très belle photo pour illustrer ça, d'un plat qui ressemble un petit peu à un plat... on va dire d'hôpital, selon plusieurs commentaires. On vous demande justement, tiens, quelle sera, d'après vous, la cuisine du futur? Bref, on vous demande de réagir et Céline le fait déjà en nous demandant si c'est le menu du mess qu'on présente en photo. ça le pourrait. Le menu de la cantine de l'RTB. Oui. D'accord, non, on fera pas de commentaires. Au programme de cette deuxième heure, nous nous intéresserons aussi à Virginie qui voulait s'offrir des jupes de marque pour ses 30 ans. Elle les a commandées sur Internet, mais elle n'est pas contente. Ah ben non, elle est allée sur deux sites. Je vais déjà les donner colormysummer.nl et misori.nl. Alors, refais-la surtout un peu, colormysummer. Colormysummer, c'est aussi bien que vous. Hein. Ah, ouais. Alors, si vous êtes sur ce site-là, fouillez, n'achetez rien. On vous expliquera. Avec Saskia, on vous présentera une application qui permet de visiter virtuellement des musées. Oui, et pas n'importe lequel, celui des sciences naturelles de Bruxelles. D'accord. Si vous voulez réagir, on l'a dit, il y a la page Facebook et côté musique, il y aura Julien Doré. Julien Doré qui nous emmènera au bord du lac. Côté programmation musicale, nous aurons Cocoon aussi. Si vous passez à table, toute l'équipe vous souhaite un excellent appétit. Bon appétit. Bon appétit. Ouais, mais non, ensemble. 3, 4. Bon appétit. Voilà. Français Diavner avec Castle in the Snow. On n'est pas des pigeons, de 11h à 13h sur Vivacité. On va vous parler d'une nouvelle application qui va vous permettre de visiter virtuellement un des plus célèbres musées de Bruxelles. Et oui, vous pouvez dorénavant observer les espèces les plus impressionnantes d'iguanodons, de tyrannosaures, de mammouths de chez vous. C'est pour ça qu'on a la musique de Jurassic Park. Exactement. D'accord. Et tout cela grâce à l'application Google Arts and Culture. Donc depuis quelques jours, en fait, elle propose une visite virtuelle de 360 degrés de plusieurs musées dans le monde et notamment de celui des sciences naturelles de Bruxelles. Au téléphone, nous avons Karine Goldfeder, la chef de projet. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Pourquoi avoir créé cette application? Il y avait une demande de visite virtuelle de votre musée? Alors, je ne sais pas s'il y avait une demande, mais en tout cas, c'est un peu la nécessité de rentrer un peu dans le 21e siècle de plein-pied. Le musée reste le musée, et c'est clair que visiter le musée reste le plus important, mais la possibilité de le visiter de chez soi est aussi importante pour ceux qui ne pourraient pas venir ou pour donner envie de venir nous visiter. Et vous ne pensez pas justement que visiter le musée via l'application va forcer les personnes à justement ne plus venir dans le musée, ce qui serait peut-être dommage ? Alors, je vais vous répéter ce que m'a dit un enfant de 8 ans en regardant le musée sur mon ordinateur. C'est minable, ta fenêtre d'ordinateur n'est pas aussi grande que le dinosaure. Ah bah oui, c'est mignon, c'est mignon. Voilà, je crois que tout est dit, je crois que les enfants ont tout compris, c'est qu'il y a l'expérience muséale n'a rien à voir avec une expérience virtuelle, ça reste phénoménal. Je dirais même à côté d'une expérience en vraie réalité virtuelle, parce qu'on a la possibilité maintenant avec des casques de réalité virtuelle aussi, grâce à l'application sur le GSM, de se promener avec des lunettes comme ça dans le musée. Mais la visite du musée reste quelque chose d'unique. Après, cette application est très utile, d'abord pour permettre à des gens qui n'ont pas la possibilité, par exemple, de venir au musée, qui habitent trop loin ou qui ne connaissent pas, de le découvrir à distance. Mm-hmm. Et puis, ça nous permet aussi de montrer des choses auxquelles les gens n'auraient pas forcément accès. On a, par exemple, en train de travailler sur une visite dans les coulisses du musée. Les visites en coulisses, c'est par petits groupes, c'est dans des conditions de sécurité, c'est très difficile. Grâce à cette application, on peut maintenant rentrer dans les laboratoires des scientifiques. Donc, c'est quand même quelque chose de nouveau. Et si justement, j'ai envie de visiter le musée virtuellement, comment est-ce que je fais ? Alors, c'est tout à fait facile. Vous pouvez le faire de votre ordinateur ou de votre GSM. Vous allez vous cliquez sur Google Art and Culture. Vous cherchez Google Art and Culture. Sur la première page, vous allez arriver sur Natural History. Vous cliquez sur Natural History. Et puis vous cherchez dans les partenaires Muséum des sciences naturelles ou simplement vous cliquez dans l'outil de recherche Muséum des sciences naturelles. Et là, les possibilités sont assez grandes. Vous pourrez soit vous promener en Street View, donc on connaît tous le Street View qui nous permet de regarder un peu où on habite de chez soi, très utile. Mais là, vous pourrez rentrer dans le musée et vous promener tout à fait de chez vous. Vous avez aussi des expositions qui ont été développées spécialement pour Internet, donc des expositions thématiques, il y en a 5. Vous avez cette fameuse visite virtuelle qui, elle, par contre, n'est disponible qu'à partir de votre GSM, de l'app GSM qu'il faut télécharger et avec un casque de réalité virtuelle, donc qui permet de faire quelque chose d'assez surprenant, mais qui existe aussi tout simplement en 360 degrés. Vous avez plein de spécimens, on a presque 200 spécimens qui sont expliqués à chaque fois avec des petits textes, avec des petites illustrations, des commentaires. Et donc ça, s'il faut préparer une allocution pour les enfants, c'est pratique aussi. Vous parliez de Google Street View, on sait comment ça fonctionne, c'est une voiture qui passe dans les rues, ça va relativement vite. Combien de temps vous avez mis pour digitaliser, entre gros guillemets, tout le musée des sciences naturelles ? Alors, l'équipe Street View, donc la technicienne Street View, est née avec son petit robot. Alors, c'était pas une voiture, je vous rassure, une voiture dans les dinosaures, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine, donc non. C'est le même système, mais sur un petit robot qui avance de 2 mètres, qui s'arrête, qui tourne à 360 degrés. On y a passé 2 bonnes journées complètes, genre 7 heures du mat, 7 heures du soir. Ah oui, quand même. Et l'application, elle est disponible partout ? Elle est payante ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors, l'application est gratuite parce que le but, c'est vraiment de faire que... C'est aussi le but de Google, et c'est pour ça que nous ont contactés et qu'on a tout de suite répondu. C'est de donner la possibilité aux gens d'accéder à la connaissance et à la culture de façon tout à fait gratuite. Donc tout est gratuit. Et c'est le passage obligé aujourd'hui pour un musée avec des dinosaures, les faire rentrer dans la technologie moderne. C'est obligé de passer par là aujourd'hui ? Je ne dirais pas que c'est obligé, mais je pense que c'est un plus très important et je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça. Parce qu'encore une fois, quand on voit le résultat, c'est assez époustouflant. C'est assez époustouflant et puis, alors il y a des possibilités infinies, la technologie évolue très vite, mais par exemple, on a aussi développé un programme qui est disponible, lui, sur Google Expédition, qui permet à des professeurs, et donc là, c'est aussi rentrer dans le laboratoire des scientifiques. Mais c'est vrai que c'est génial pour les professeurs de préparer une visite, en fait, tout simplement, aussi. Alors, bien sûr, ça permet de préparer, mais par exemple, pour un professeur qui n'a pas l'occasion de venir et qui pourrait être équipé de téléphone, de GSM, et puis maintenant, les ados les ont presque tous, en plus, ça lui permet de faire découvrir le musée, et c'est vraiment...

mets sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Qui nous emmenait sur les bords du lac. Moi, un grand paquet de frites avec sauce, s'il te plaît. Avec quelle sauce? Pas moi, sauce Dallas. Même la sauce, ça part. Et trois boulettes avec. Omar, la sauce, ça part ou sur les frites? Sur les boulettes. Et tu mets 6-7 fricadelles aussi. Nous allons parler de l'alimentation du futur. Et le jingle était approprié parce que j'espère que ce qu'on vient d'entendre sera encore dans nos assiettes en 2050. Qu'est-ce qu'on va trouver dans nos assiettes en 2050, Anne-Laure? Ce qui est sûr, c'est que notre alimentation va très probablement évoluer dans 30 ans. D'après les spécialistes, elle pourrait devenir plus respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire produite avec moins d'énergie, moins de déchets, mais aussi moins d'eau. Elle pourrait être plus adaptée à nos besoins, c'est-à-dire que ça pourrait être une nourriture médicament. Elle pourrait répondre à certains besoins thérapeutiques. Et puis, cette nourriture, elle devrait être plus soucieuse du bien-être animal. Allez, des exemples. Et dans 20 ou 30 ans, vous dégusterez peut-être un bon hamburger de viande in vitro. C'est-à-dire C'est de la viande qui a été créée, recréée. Et du moment qu'il y a la sauce Giant avec, c'est bon. Oui, écoutez, pour la viande en tout cas, vous allez le voir, tout le monde n'est pas d'accord. La viande créée artificiellement en laboratoire grâce à des cellules souches, en fait. Son inventeur s'appelle Mark Post, c'est un chercheur de l'université néerlandaise de Maastricht. Il a présenté le premier steak haché fabriqué à partir de viande artificielle, c'était déjà en août 2013, donc il y a déjà 3 ans. Il a présenté ça à Londres, et pour cela, en fait, il a reproduit des vraies cellules musculaires et par électrostimulation, vous voyez ce que vous mettez chez le kiné là, quand vous êtes opéré, voilà. Et ben, il a créé de la viande, donc un muscle qui est tout à fait mangeable. C'est de la viande, ça ressemble à de la viande, ça a le goût de la viande, mais ça n'a pas été produit dans la vache. C'est bizarre, mais il estime que cette viande pourrait être commercialisée d'ici 10 ans. C'est marrant, ça ne me fait pas saliver du tout, cette histoire. Oui. Mais ça tient la route comme alternative? Pour l'instant, pas vraiment, en fait. D'abord parce que pour produire cette viande in vitro, le scientifique doit utiliser des antibiotiques. Or, vous savez, tout le débat des antibiotiques dans la viande, et là, il nous en remet. Donc ça, c'est pas vraiment idéal. Et puis, cette viande, elle est hors de prix. Il a fallu 245 000 euros pour produire cet hamburger de viande artificielle. Ça fait cher le kilo. Avant que ça devienne démocratique, il va falloir qu'il y ait beaucoup de temps qui se passe. Et avec le menu hamburger frites... à 300 000 boules, c'est un petit peu bizarre. Mais est-ce qu'il faudra vraiment trouver une alternative à la viande, cela dit? En fait, ce qui se passe, c'est que la viande, d'abord on en consomme trop, mais elle est aussi devenue un symbole d'ascension sociale dans les pays émergents, en particulier la Chine et le Brésil. Alors si on en croit la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, d'ici 2050, la demande en viande devrait encore augmenter de 73%. C'est énorme. Pour rappel, en 2050, on sera 9 milliards sur la Terre, c'est-à-dire 2 milliards de plus que maintenant. Ah ouais. Or, on sait que l'élevage tel qu'on le pratique épuise complètement les ressources de la planète, et donc ce sera plus tenable à terme. Mais à l'avenir, on va donc se passer de viande. Alors peut-être pas complètement, on va devenir flexitarien sans doute, c'est-à-dire qu'on va manger de la viande, mais de moins en moins souvent. La consommation de viande va donc baisser, et une consommation plus généralisée, par exemple d'insectes ou d'algues, semble une option plus réaliste que la viande artificielle. Bill Gates lui-même finance des recherches aux États-Unis en ce moment pour créer un substitut de viande, très proche en termes de goût et de texture, entièrement à base de végétaux. Mais il y a d'autres évolutions dans la cuisine du futur ? Oui, l'imprimante alimentaire, elle existe déjà, mais jusque-là, elle n'était pas vraiment au point. Et des chercheurs de l'université de Jean Blouse sont concentrés sur une imprimante qui fonctionne avec du chocolat et du fromage. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Voilà, donc elle vous imprime des petites structures en chocolat, tout à fait comestibles. Ce qui est sympa avec ce labo, c'est qu'il demande aux cuisiniers, etc., de travailler avec eux pour mettre vraiment cette machine au point. Donc peut-être qu'à terme, on aura tous une imprimante alimentaire. Dans la cuisine, pas, à, côté dans du, à côté du toaster. Dans 30 ans, pour fabriquer nos pizzas ou un truc plus sain, peut-être. Aussi. Dites, on en reparlera à la télé ce on soir, fait ça avec les à partir images de 18h30. Allez, dans un instant, petit détour par la rédaction pour les titres de l'info. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Nivelles, portes ouvertes dans notre appartement témoin, c'est samedi et dimanche, de 14 à 17h, à l'angle de la rue Lévesque et de la rue des Déportés à Nivelles. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Ce week-end, Vivacité vous invite à la première de l'événement musical de la rentrée parisienne, Les Trois Mousquetaires, le spectacle musical. Avec Olivier Dion, Damien Sargue et David Bann. Les Trois Mousquetaires, retrouvez-les déjà ce soir dès 19h sur Vivacité. Et samedi dès 10h30, dans le TikTok, Vivacité vous offre vos places pour assister à la première du spectacle le 29 septembre au Palais des Congrès à Paris. Ah, la nature. Les petits oiseaux. Kikui. Le grand air. Et nous, rien que nous. Ouais. Pas une maison. Pas un village à 10 km. Non, parce qu'il n'y a rien. Et pas le moindre distributeur Ford à l'horizon. Pouh, et l'horizon, c'est loin. Oh oui, c'est loin. On s'en va ? On s'en va. Eh oui, résister à la très belle finition sportive ST-Line des Ford Fiesta, Focus et Mondeo aux performances des du 15 au 30 septembre chez votre distributeur Ford, ce sera une vraie performance. Ford, go further. Plus d'infos sur Ford.be. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif, magnifique. D'ailleurs tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors tapez le prime à gaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Prime à gaz, le meilleur du gaz, là où le voulez. Comment bien manger quand... On veut profiter à fond de l'automne. Oh, j'espère que t'aimes les pommes parce que je sens que ça va être pour la tienne. Pas forcément. L'automne, c'est aussi le mois des poires chez Deleuze. Savourez nos Durandos, doyennés du Comice, conférences et conférences bio. Mm-hmm. Et leur prix ? Un prix à tomber dans les pommes. Ou dans les poires. Jusqu'au 28 septembre, chez Deleuze, le second ravier est à moitié prix. Profitez-en vite. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Tous les jours, un nouveau sac. Grâce au shopping chez Veritas. Pour la journée ou en soirée. Prenez-en deux, c'est tellement mieux. Jusqu'au 26 septembre, 20% sur votre sac à main préféré. Aussi en ligne sur veritas.be. Veritas. Fait par moi, fait pour moi. Excellent début d'après-midi à vous. Vous écoutez Vivacité, il est midi 30 ans. Les titres de l'info avec vous, Simon Gérard, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Et dans le journal de 13h, nous parlerons de la Tartorie et de cette fameuse saga. Le conflit entre l'AFSCA, l'agence qui contrôle la chaîne alimentaire, et les boulangers, pâtissiers. Faut-il, oui ou non, mettre cette Tartorie au frigo ? Eh bien, la réponse est non. Une étude révèle qu'il n'y a pas de risque, pas de risque de laisser sa Tartorie à l'air libre durant 12 heures. Les inspecteurs qui luttent contre le travail au noir et le dumping social seront-ils transférés vers d'autres services ? Le fédéral l'envisage. Le problème, c'est que le boulot de ces contrôleurs risque d'être plus difficile. Vous l'entendrez dans notre journal. La cour d'assises du Hainaut se penche aujourd'hui sur la reconstitution des faits dans le procès Westphal. L'ex-député soutient toujours que sa compagne Véronique Piroton s'est suicidée. Nous serons en direct dans le journal de 13h avec Fabrice Gérard qui suit ce procès pour nous. Enfin, deux pétroliers sont entrés en collision en mer du Nord ce matin à 30 km de la côte belge. Il n'y a pas de blessés, pas de dégâts matériels, pas de signes de pollution non plus. On le verra dans le journal de 13h. D'ici là, on retrouve Sébastien, toute sa petite équipe, bien sûr, pour la suite de N'est pas des pigeons. Merci Simon. Tout à l'heure, 13h pour l'info. On n'est pas des pigeons. une façon de voir la vie, un peuple plus grand qu'un pays, un destin, un regard. C'est de la musique et des cris, un pour tous et tous réunis, un chemin, une histoire. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano. Ma raison, mes valeurs, ma maison, ma couleur, color gitano. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui va sur ma peau. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui va sur ma peau. C'est des guitares des nuits sans fin, les mots chaleureux des anciens, le respect et les liens. C'est ton regard croisant le mien, nous deux au milieu du chemin, et soudain tu deviens. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano. Ma passion, mon bonheur, ma maison, ma couleur, color gitano. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui va sur ma peau. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui va sur ma peau. Sur Vivacité, alors on connaissait le riz basmati, ici c'est le ritano. C'est une variante espagnole. Et c'est quoi ton problème? Nous? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. On accueille Virginie, bonjour Virginie. Bonjour. Vous vouliez vous faire un petit plaisir pour vos 30 ans. C'était quand vos 30 ans? C'était le 13 septembre dernier. Bon anniversaire Virginie. Merci. Et donc vous vouliez vous faire un petit plaisir, acheter des jupes. Voilà. Vous aviez trouvé des sites internet, sympa. Tout à fait. Et vous avez commandé combien de jupes? J'en ai commandé deux sur deux sites différents. Mm-hmm. Description des et jupes. Et ça s'est mal passé. Donc, je vous explique un peu ma mésaventure. Ouais. J'ai commandé deux jupes sur deux sites situés, a priori, je pense, aux Pays-Bas. Mm-hmm. Lorsque j'ai reçu mes colis, qui en fait étaient censés être totalement distincts, j'ai reçu deux mêmes jupes qui ne correspondaient pas du tout à mes commandes. Alors j'ai recontacté les services clientèle et je me suis rendu compte déjà qu'il s'agissait à la base de deux sites distincts et les services clientèle, j'ai eu affaire à la même personne. Donc, d'accord. Ça m'a semblé déjà fort louche. Et au moment où j'ai demandé soit de faire un échange pour m'envoyer ma commande ou soit un remboursement, eh ben, ils n'ont pas voulu me rembourser ni m'échanger le colis que j'avais reçu, mais ils m'ont proposé, et ça c'est le plus hallucinant, ils m'ont proposé soit de garder la jupe, l'offrir à un ami ou la remettre en vente par mes propres moyens. L'offrir donc, à un ami là, ou bien... à une amie? Parce que... Ou à une amie plutôt, ah, oui, non, mais je ne sais pas, enfin, vous avez peut-être des amis qui portent des jupes en même temps, hein. Pourquoi pas, il faut être open. Et donc vous avez fait quoi alors? Bah donc, moi, j'ai fait opposition, évidemment, aux transactions via ma banque. Je les ai recontactés en leur disant que c'était une blague et que moi, j'exigeais un remboursement total, tout simplement. Et depuis, plus de nouvelles. Silence radio. Annie, que peut-on dire de ce dossier? Si ce n'est qu'il faut... On va te donner le nom des sites. Oui. Color, My Summer et Missouri. Oui. Ces sites, vous les oubliez. Ah oui, surtout si vous êtes dessus maintenant, mais fouillez-les comme la peste, parce que manifestement, c'est une arnaque. Alors, le prix des jupes ici, c'était plus ou moins 60 euros, donc il y a quand même 120 et des poussières d'euros qui ont été dépensées. Mais je crois, Virginie, que vous avez fait opposition. Non, à votre cadre, mais vous avez aussi signalé ça à votre opérateur de la carte de crédit en allant sur le site macarte.be, qui est une excellente initiative. Mais alors, je me mets à la place de Virginie. Moi aussi, j'ai été voir sur le site, à part, oui, c'est .nl, donc Pays-Bas, donc c'est en néerlandais. Il y a des jupes de différentes marques. Moi, je vous avoue que je suis une clinche en informatique, je n'y connais pas grand-chose. Donc, je regarde, je me dis, bah, bof, ça a l'air bien. Je commanderai dessus aussi. Hein. Je me ferai. Voilà. Oui, vous êtes dessus là. Oui, ça a l'air tout à fait crédible. Oui, bon, tout à fait, voilà. Le problème, c'est qu'on a, on n'y connaît pas beaucoup en informatique, donc on appelle le policier qui s'y connaît, et en l'occurrence, c'est vous, Olivier Bogart. Bonjour, Olivier. Bonjour, Sébastien. Aurore est sur le site et elle est bluffée. Est-ce qu'on doit se méfier de ce genre de site? Bah, écoutez, je me suis amusé à commander des jupes aussi. Ah, c'est vous. Quelques recherches. Et donc, effectivement, je me suis aperçu qu'en vérifiant qui était titulaire des noms de domaines qui sont concernés, on avait une société qui s'appelle E-Non Incorporated, qui est dans le Wisconsin, aux États-Unis. Ah oui. Donc, les deux sociétés, les deux noms de domaines sont enregistrés au nom de la même société aux États-Unis. Mm-hmm. Et puis, on se retrouve avec une adresse mail en termes de personnes de contact, qui est une adresse mail qui me renvoie sur une structure en Chine. Okay. Et donc là, j'ai le sentiment qu'on est face à une structure qui fournit le matériel. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, que les fournisseurs finaux auxquels la dame qui témoigne aujourd'hui a été confrontée sont eux-mêmes en Chine. Mais en tout cas, c'est cette structure-là qui fabrique le matériel qui est ensuite vendu chez nous en Europe par l'intermédiaire de cette plateforme qui utilise un nom de domaine hollandais. J'ai donc été sur le site du service qui gère les noms de domaine .nl et qui me renvoie, comme je vous le disais, sur cette société américaine qui est en fait un écran à ces sociétés chinoises. D'accord. Qui sont derrière la vente de ce matériel. Oui, alors Olivier, vous, quand vous épluchez ça, vous, le fait qu'on dise à Virginie « Oh, ben, on ne va pas vous rembourser, donnez-la à une amie », est-ce que ça, c'est révélateur de... Ça, c'est vraiment un élément, je dirais, qui est récurrent souvent dans les éléments qui reviennent. Et puis, ce qui était aussi intéressant quand on regarde les sites, c'est que il n'y a vraiment pas d'informations non plus très concrètes par rapport à la société. Donc, on n'a pas de référence exacte. Les conditions d'utilisation ne figurent pas. On n'a pas non plus d'informations par rapport... Alors, c'est vrai que c'est le réflexe qu'on doit peut-être avoir. C'est de descendre tout en bas dans la page du site qui nous intéresse. Et donc, aller voir quelles sont les informations qui sont renseignées pour entrer en contact. On a ici, je vois par exemple, sur le site misort.nl, on a déclaration de vie privée, etc., etc. Mais on n'a pas vraiment d'informations par rapport à la société elle-même. On n'a pas de lien, si vous voulez, de conditions d'utilisation, etc. Donc là, il y a quand même un doute à avoir. D'accord. Alors, Olivier, quand on est sur le site et qu'on veut réserver, hein, voilà, je vois Aurore juste à côté d'elle, bon, on doit faire attention à quoi pour ne pas quand même... Se faire avoir. Oui, se faire avoir. Qu'est-ce qui doit attirer notre attention? Oui, on ne va pas commencer à faire des recherches comme ça, le nom de domaine, non, qui est d'ailleurs, on n'a pas le temps, on n'y pense pas en plus. Mais disons que ce qui est frappant, si vous voulez, systématiquement dans ces sites de vente en ligne et qui sont des sites de contrefaçon, c'est qu'ils vont utiliser les logos de grands partenaires qui vont mettre en confiance. Et donc, vous avez toujours des mentions comme quoi tout est sécurisé, que par exemple, je vois sur le site dont on parle, la délivrance est sécurisée, c'est 100% sécurisé. En bas, on a les partenaires comme les logos de partenaires de sociétés antivirus, on a le logo de Maestro, on a McAfee, etc. Toutes choses qui sont amenées et présentées pour mettre en confiance l'utilisateur en disant « Ah, ok ». Et en fait, c'est une des techniques les plus fréquentes pour mettre en confiance l'acheteur potentiel. Si on va sur un vrai site de vente en ligne, quelque chose d'authentique, eh bien, on aura par contre des mentions, on aura une rubrique à propos, et là, on aura des informations extrêmement précises sur les partenariats, sur les différents... Ici, on n'a rien. Et ça, c'est quand même un élément auquel il faut être attentif. Est-ce qu'elle a eu le bon réflexe en allant sur macarte.be? Je pense, parce que eux vont pouvoir... par rapport à d'autres utilisateurs qui auraient le cas échéant été victimes, pouvoir combiner, si vous voulez, l'ensemble des témoignages et à terme pouvoir faire un signalement refusant les paiements à destination des sites en question. Mais ce qui est curieux, c'est qu'ici, elle a quand même reçu de la marchandise. Oui, ben ça c'est clair qu'on livre de la... Il y a toujours un produit qui peut arriver. Évidemment, ce n'est pas le produit souhaité, mais le principe, c'est d'envoyer manifestement, toujours d'envoyer quelque chose pour que certaines personnes ne réagissent pas en se disant « Oh ben finalement, je le garde. J'ai peut-être pas eu ce que je voulais, mais c'est pas mal. » Et ils jouent là-dessus. Bon, Virginie, voilà, oui. Vous avez eu le bon réflexe. Déjà, l'autre réflexe à avoir, c'est de boycotter ces deux sites. On va les rappeler, tant qu'à faire. Color My Summer et Misori. Alors, moi, j'ai pris contact... Et on peut les signaler, parce que si on est nombreux, évidemment, à le faire sur des sites que Annie cite régulièrement comme contrefaçon pour la faire, eh bien, évidemment, l'indice alertant les utilisateurs va évidemment s'adapter en fonction des signalements négatifs. Le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est que j'ai pris contact avec le Centre européen des consommateurs, puisque le site est soi-disant aux Pays-Bas. Pas de trace de dossier, donc ils n'ont pas de plainte, en tout cas jusqu'à ce jour, contre ces sociétés. Mais il faut toujours aller voir, et Olivier vient de le dire, en bas de page, il faut surtout voir si les mentions légales relatives à la société, adresse, etc. sont indiquées. Si pas, ben, il faut s'en méfier. Voilà. Voilà pour le dossier Internet du jour. Dans un instant, Internet toujours, mais Facebook, et là, c'est sécurisé. Vous avez posté vos messages. On vous demandait de réagir par rapport au sujet d'Anne-Laure tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va trouver dans nos assiettes d'ici quelques années? On a déjà pas mal de choses et on vous lit dans quelques minutes. Vous disposez d'actions depuis longtemps et avez besoin de conseils pour vos investissements? Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décidez-d'investir. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Vivacité présente Acerta Brussels Equidène, le plus grand marathon relais du monde. Samedi 15 octobre au Stade Roi Baudouin. Formez une équipe avec vos collègues ou amis et courez ensemble la distance mythique du marathon. Ou venez encourager les plus de 1600 équipes. Infos et inscriptions sur acertabrusselsequidène.be. Une initiative d'Acerta avec l'ADH et l'A2. Michel emmène François faire un tour à bord de sa toute nouvelle Seat Ateca. François n'en croit pas ses yeux. Et ça c'est quoi ça? C'est le chargeur mobile sans fil. Ah, et ce truc là c'est l'écran de la caméra TopView. Ah bah oui, oui. Bah oui. Excité par la richesse de l'équipement du Seat Ateca, François n'arrête plus. Et ce bouton, il sert à quoi? Bah activer le frein à main électrique. Et celui-là ça c'est mon bouton de manchette. Ce bouton de manchette. Ah, bah, bien sûr, évidemment. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Vivacité présente Amir en concert le vendredi 16 décembre à la Madeleine à Bruxelles. Une soirée festive avec la nouvelle étoile de la scène française à vivre en live. Tickets via livenation.be. Vive à Bruxelles en toute complicité sur 99.3 FM. Mazda Jet, c'est Dewey Car Center et jusqu'au 30 septembre, remise exceptionnelle sur toutes les Mazda de stock et super conditions sur les éditions suréquipées. Plus d'infos, dwcc.be. Mazda Jet, c'est Dewey Car Center. Bientôt l'automne. Chez Diffusion Menuiserie, les prix se mettent à tomber aussi vite que les feuilles. Des réductions à ne pas rater sur nos parquets, portes, dressings, lambris, escaliers, châssis et bien d'autres. Profitez de conditions spéciales jusqu'au 3 octobre chez un vrai spécialiste du bois pour votre maison. Diffusion Menuiserie à Cour Saint-Étienne et Gosselies. Yeah. D'un repas qui, je dois être honnête avec vous, n'est pas la bouffe de dans 50 ans, mais qui est une photo de cantine. Voilà. Et Tsukio nous dit, ça ressemble à un plateau d'hôpital. Fanfan, si je dois manger ça, je fais grève de la faim. Burk, rien ne vaut les petits pois avec une échalote, une bonne purée avec un œuf, ouais, ça, la y aura bonne toujours, et vraie compote. Il y aura toujours des légumes. Ça, je oui, crois que c'est, ça, ça devrait aller. Bon. Mais la question était de savoir, est-ce que ce seront des légumes pas OGM, quoi. Ah oui, oui, ça, ah, aussi, voilà. ça aussi. Et puis Christian mangera comme les cosmonautes. On avalera une pilule qui contiendra de la viande, des légumes, etc. En attendant l'ère 2050, profitons-en, mangeons ce qui nous fait plaisir. Bon appétit avec une photo de Blanquette. Est-ce que la pilule, tu pourras encore la tremper dans un peu de sauce andalouse, par exemple? Je ne sais pas. Enfin, il faut... Pour que ça passe plus facilement, on pourrait. Alors, Rochinette, qu'est-ce qu'elle nous écrit? À voir ça, je me demande si une petite pilule ne sera pas plus sympa. Sabato, c'est des trucs de ce genre que j'avais

Souvenir de 1978, signé Billy Joel avec le titre My Life. Étienne a un coup de gueule, il est pas content, il va nous le dire. Dis, tu cherches toujours un logement durable dans le coin ? Ouais, et abordable surtout. Mais tu connais les quartiers Matexi ? Non. Eh bien, surfe un peu sur matexi.be, tiens. Ah, oui. Voilà, tape le code postal. Voilà. Et tu as tous leurs quartiers à proximité. Ah ouais, c'est pas mal. Ben oui, Matexi, c'est chaque fois des maisons et appartements durables dans des quartiers agréables de Wallonie et de Bruxelles qui t'offrent plus pour ton budget. Wow. Et ils ont 70 ans d'expérience et ça se sent tout de suite. Mais pourquoi tu me montres tout ça ? Ben, ça me ferait plaisir de t'avoir comme voisin. Matexi, bienvenue chez vous. On n'est pas des pigeons. Le coup de gueule du jour est signé Étienne, mais c'est quoi le coup de gueule d'Étienne ? Eh bien, Étienne nous écoute tous les jours et il en a ras-le-bol de nous entendre parler exclusivement des grandes surfaces. Pensez aussi aux petits indépendants qui, eux, vous donnent la qualité et même des prix plus avantageux et la fraîcheur de vos légumes. Et oui, merci pour les petits indépendants. Étienne qui vend des fruits et légumes. Mais c'est vrai que c'est sympa. Et c'est tellement plus sympa d'aller chez le petit commerçant du coin. Hein, bonjour oui. Madame, il y en a un peu plus, je vous le mets. Je vous le mets quand même. Bon, oui. Si vous avez des coups de gueule ou toute autre chose, n'hésitez pas à interagir avec la rédaction de N'est pas des pigeons, on est là pour ça. Oui, par exemple, par mail, pigeon pluriel à RTBF. Excuse-moi de te réveiller, Aurore. Pardon, pigeon pluriel à RTBF. Je vais le faire. Oui, 070 222 660 pour le répondeur ou le 30, je ne sais plus combien, pour le... C'est 30 combien ? Vas-y, elle y arrivera. 070. Mais ça, j'ai dit, elle n'a même pas écouté. Bon, c'est pas grave. Fin de cette émission, on va aller soigner Aurore, on va la rentrer, prendre ses petites pilules pour la sieste de cet après-midi. On vous retrouvera à la télé ce soir à partir de 18h30. Sylvie Honoré, La Vie du Bon Côté, vous prenez le relais. Oui. Tout part d'un bouquin avec vous pour cet après-midi. Mais oui, ça part d'un exemple d'Aurore, évidemment. Vous savez quoi ? Aurore, elle est en train de vivre et de prendre sa liberté d'être elle. Oui, voilà. Ah, ça, c'est clair. C'est vrai, Aurore. Oui. Vous êtes pleinement vous-même. Ah oui, ça, on peut le dire. Et vous avez bien raison. Et vous avez bien raison. Parce que le bouquin que je vous présente aujourd'hui s'intitule « Enfin libre d'être moi ». Voilà, écrit par Patrick Collignon. « Besoin de reconnaissance et peur du regard de l'autre, j'ai passé le cap ». Et là, Patrick Collignon, qui est donc l'auteur de ce livre, explique que durant son adolescence, il a pris un chemin de traverse pour recevoir plus d'amour et de reconnaissance qu'il n'en avait. Il a commencé à jouer un rôle, celui du gendre idéal, réservé, poli, gentil, souriant, intelligent, dans la lignée du gentil petit garçon qu'il avait toujours été. Et puis, il a commencé à glisser dans la peau de celui qu'il pensait que l'autre attendait qu'il soit. Il est donc devenu plusieurs, variant en fonction de ses interlocuteurs et interlocutrices. Et au final, il était surtout seul, même bien accompagné, même dans un groupe. Patrick Collignon, bonjour. Bonjour. Ça me plaît déjà, votre introduction, vous voyez ? C'est pour ça que j'ai tout lu. Je me suis dit, alors là, le besoin de reconnaissance, purée, j'ai envie de dire, besoin de reconnaissance et peur du regard de l'autre, ben, je pense qu'on va se rendre compte, évidemment, pendant deux heures, qu'on en est tous là, parce que l'essentiel de ce livre, en plus, poursuit l'objectif de provoquer chez nous des prises de conscience. Il est crucial que nous intégrions que cette image négative que nous avons de nous, cette idée diffuse que nous ne valons pas le coup, cette sensation de ne pas être à la hauteur, ont été emportées au fil de notre histoire par l'extérieur. Que ce sont des mécanismes internes qui permettent à cette image négative de perdurer. Donc on va demander aujourd'hui aux auditeurs de venir témoigner au 070 23 33 23 SMS 30 63 de venir témoigner sur ce fameux besoin de reconnaissance. Venez nous dire que Sylvie, c'est vrai, une fois que j'ai pris conscience que je devais passer outre ce besoin de reconnaissance, j'ai commencé à vivre pour moi. J'ai commencé enfin à être moi. Enfin libre d'être moi. C'est donc le titre du livre. Voilà. Et j'ai presque envie de taper du poing sur la table. On en parle juste après le journal de 13h et juste après le point météo de Denis, que voici. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, Denji Electrabel. Bonne journée à tous. Le soleil met un petit peu de temps à percer la couche nuageuse, mais dans le courant de l'après-midi, ce sera le cas. Ceci étant dit, on note déjà du soleil près du littoral et sur l'extrême est du pays. Le soleil va gagner donc du terrain dans le courant de l'après-midi. Les maxima iront de 16 à 21 degrés. La nuit prochaine, le ciel sera partagé entre nuages et étoiles. Minima de 9 à 13 degrés. Puis demain, on devrait retrouver plus vite des éclaircies. Dans le courant